Soyez tranquille, chère maman, dit Venceslas au comble du bonheur de voir cette crise heureusement terminée. Dans 2 mois, j'aurai rendu l'argent à cette horrible femme. Que voulez-vous ? Reprit-il en répétant ce mot essentiellement polonais avec la grâce polonaise. Il y a des moments où l'on emprunterait au diable. C'est, après tout, l'argent de la famille. Et une fois invité, l'aurais-je eu cet argent qui nous coûte si cher si j'avais répondu par des grossièretés à une politesse ? Oh, maman, quel mal nous fait papa ! S'écria Hortense. La baronne mit un doigt sur ses lèvres et Hortense regretta cette plainte. Le premier blâme qu'elle laissait échapper sur un père si héroïquement protégé par un sublime silence. Adieu, mes enfants, dit Madame Hulot. Voilà le beau temps revenu. Mais ne vous fâchez plus. Quand, après avoir reconduit la baronne, Venceslas et sa femme furent revenus dans leur chambre, Hortense dit à son mari : Raconte-moi ta soirée. Et elle épia le visage de Venceslas pendant ce récit, entrecoupé de ces questions qui pressent sur les lèvres d'une femme en pareil cas. Ce récit rendit Hortense songeuse. Elle entrevoyait les diaboliques amusements que les artistes devaient trouver dans cette vicieuse société.